Sur les routes de l'oseille, on y laisse des plumes entre les grosses plis et les saloperies qu'on hume. Près d'un quart de siècle à patrouiller sur le bitume. Pas que des choses dont je suis fier, mais le tout j'assume. On y laisse des plumes entre les grosses plis et les saloperies qu'on hume. Près d'un quart de siècle à patrouiller sur le bitume. Pas que des choses dont je suis fier. Dans nos vies y'a rien de magique. C'est soit déjà vu, soit tragique. On s'agite parce que les rêves ça s'embrasse vite. On tente souvent de rectifier le tir. Alors au lieu de l'ouvrir quand tu sais pas, demande. Au pied du mur dur d'assumer ses responsabilités. Bah on est comme tout, tu dis qu'on s'en tient à la facilité. Mais on est comme tous, avec points forts et faiblesses. De là on déconne tous, pas de surhomme que je connaisse. Dans ma zup on zone qu'à travers des ambiances obscènes. Comme si on suivait chaque jour un parcours tracé sans option. Sûr que seul dans la merde, les tentations obsèdent. Et que de la sagesse on perd de la notion. On croit au coup sûr on tente. Mais il faut bien qu'un jour on se plante. Au-dessus de nos têtes la pression est constante. Sur les routes de l'oseille on y laisse la santé. Fini à freine, fleurie ou la santé. Sur les routes de l'oseille on y laisse des plumes. Entre les grosses plis et les saloperies qu'on hume. Près d'un quart de siècle à patrouiller sur le bitume. Pas que des choses dont je suis fier, mais le tout j'assume. On y laisse des plumes. Entre les grosses plis et les saloperies qu'on hume. Près d'un quart de siècle à patrouiller sur le bitume. Pas que des choses dont je suis fier, mais le tout j'assume. On vit à part comme les indigènes et on t'emmerde. Mais toi et tes lois anti-jeunes, c'est vers 17h qu'on déjeune. Enchaîne un féca et digère avec Marie-Jeanne et les faits divers. On n'y peut rien si nos chemins diffèrent. On aime la liberté comme tout le monde, donc on ignore ce qu'on nous dit de faire. Faut pas se leurrer, monsieur le commissaire. On manque de moyens, donc quand les yan-yan se pointent, sur qui repartent viscère. Mais faut pas croire non plus qu'on se la coule douce. Le dos au soleil et les plaquettes prêtes à pécou sous le 12. Nous, on vit des trucs qui du jour au lendemain changent ta mentalité. Qui se passe pas si loin de ça de chez toi et dont t'as même pas idée. L'argent facile on y croyait aussi, fut un temps. Mais bizarrement, rarement le but ne fut atteint. Ça n'amène que problème, haine et larmes. Et même bien pire encore quand tu dégaines l'arme. Tant que mon absence est remarquable sur différents supports. Pas l'impression d'avoir tort quand je te dis qu'il faut foncer dès là te port. S'attaquer au coffre, au marteau et au burin à l'ancienne. Quoi qu'il advienne, la fin sera la même. On les aura les poches pleines quand ton supermarché. Rien qu'ils nous voient à nouveau, ils sauront que ça a marché. C'est quand qu'on enclenche le pampé, quand qu'on vit. Comme y'en a qui vont au casino flamber la nuit. Je me réveille en sueur, le t-shirt trempé. Je me dis radmou, où sont les sous, est-ce qu'ils les ont planqués. Mais où tu le caches, merde. Et pour tous ceux qui veulent s'immiscer dans mon SB, j'ai des tas de faces qui défoncent comme un recti. Je t'avertis. Pour ça je passe à l'action, expérimenté vif, prêt à foutre le boxon, je me rebiffe. Me mets en 4 pour briser le sortilège. Le contrôle de la situation m'échappe. Et ce qu'on propose c'est trop lège. Je voudrais t'en dire aloha comme à Hawaï. Et là c'est pas de maille, alors passe près de tailler. Je continue à batailler, racailler sur les pages blanches de mon cahier. Radmou. Ouais. Autant que j'affectionne, tout particulièrement la façon dont je fonctionne. Ce que je cautionne, c'est le fait de ne rien devoir à personne. Étant toujours statique, fonctionnel, opérationnel. Je veux faire de 0-0 et ce sans avoir à me leurrer. Et ouais ma gueule, en clair on a la dalle. Et c'est ce qui fait paniquer le peuple comme si on avait la gale.